Radio Antigone. Radio Antigone. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct de Tours, comme à l'accoutumée. Et là, ce soir, c'est en direct du tramway. Et oui, le Radio Journal, édition spéciale, le jour 1 du déconfinement. Nous sommes sortis, tout va bien. Merci d'être avec nous ce soir. Il est 18h et dans quelques instants, votre journal complet. Mais sachez que juste après, nous serons avec vous en direct depuis les retours, le tram, bref, vous verrez. Avec toutes les infos pratiques, si vous voulez nous parler d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes actuellement au niveau de la station nationale. Nous allons y rester pendant un petit moment, jusqu'à 18h30. À suivre également dans cette émission spéciale toutes les infos pratiques ici à Tours pour bien vivre et bien comprendre les enjeux de cette première étape du déconfinement. Mais avant cela, voici les grands titres qui vont être développés dans quelques instants dans la grande édition du soir. Évidemment, nous sommes de retour dehors, donc forcément il y a un peu plus de vent. Donc le confinement moins prononcé en ce jour 1, tout se passe plutôt bien. Globalement, peu d'agitation avec la météo qui évidemment était quelque peu désastreuse. À noter tout de même ce matin des incidents remarquables sur la ligne 13 du métro de Paris, qui a un retard de 40 minutes de l'allumage et des rames plus bondées qu'en temps normal, c'est dire. La loi d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps, cela repousse à ce soir sous réserve d'aval du Conseil constitutionnel l'entrée en vigueur de deux dispositions phares, la limitation des déplacements à 100 km, l'utilisation obligatoire dans les transports en commun. Oui, c'est grotesque, mais légalement, on ne pourra pas vous mettre de contravention si vous désirez faire un Brest-Marseille pour le plaisir. Les intempéries, 18 départements orange dont l'Indre-et-Loire avec de graves inondations hier soir, notamment dans le département de la Garonne, même si l'alerte orange termine exactement à l'heure à laquelle je vous parle. Il est 18h02. Mais il est à parier qu'il faudrait rester évidemment extrêmement vigilant pour vos déplacements dans les heures à venir. Merci d'écouter Radio Antigone et FM. Générique, journal de la rédaction, à tout de suite, et 18h03 dans le Radio Journal, la suite. Peut-être. Voilà. De Bruxelles à Istanbul en passant par Paris, ce lundi 11 mai est synonyme de déconfinement dans une bonne partie de l'Europe. Dans toutes ces villes, on assiste depuis ce matin à un assouplissement des restrictions qui avaient été imposées à la fin de l'hiver pour lutter contre le coronavirus. En France, c'est la fin d'un confinement inédit de presque 2 mois et une reprise de l'activité dans de nombreux secteurs, écoles, commerces, bureaux, alors qu'hôtels, bars et restaurants, eux, restent fermés. Globalement, depuis ce matin, la remise en mouvement s'est déroulée conformément aux prévisions et sans accrocs majeurs. Pas d'embouteillage monstre sur les routes, affluence limitée aussi dans les transports en commun où le port du masque est maintenant obligatoire. De nombreux Français ont, semble-t-il, suivi les recommandations du gouvernement et des employeurs visant à poursuivre le télétravail, le travail à distance. Dans les trains, de nombreuses consignes sanitaires sont censées garantir la sécurité des voyageurs, avec parmi ces voyageurs de nombreux Parisiens de retour dans la capitale après plus d'un mois et demi d'exode. Reportage de Nicolas Roca dans un train entre Angers et Paris. Si les annonces sonores ne semblent pas avoir été bouleversées par la crise sanitaire, ce n'est pas le cas des gares et des trains. Distribution de gel hydroalcoolique, désinfection des gares, vente d'une place sur deux. Le plan prévu par la SNCF semble se dérouler sans accroc. Mais surtout, les voyageurs sont équipés de ce qui était pourtant une denrée rare en début de confinement. Tout le monde a son masque, les distances sont respectées. Je ne suis pas particulièrement inquiet. Non, pas du tout. Des voyageurs qui semblent plutôt sereins et satisfaits des mesures prises par la SNCF. À l'image de Maxence, c'est la troisième fois qu'il prend le train depuis le 13 mars, systématiquement pour raisons professionnelles. J'ai pas rencontré de difficultés majeures pour voyager. C'est assez fluide, franchement on est bien dirigé, moi je vois pas du tout de contraintes. Et là le train est quand même relativement vide par rapport à l'habitude. Oui. Vous avez déjà voyagé plusieurs fois ? Oui, et là c'est la première fois que je vois le train aussi vide. Une poignée de voyageurs par rame et énormément de sièges vides. L'influence supposée ce lundi n'est pas au rendez-vous. Ce qu'ils pouvaient en sans doute privilégier, le télétravail loin de la capitale. Madame, monsieur, prenez soin de vous. En espérant vous revoir très bientôt. Paris-Montparnasse dans quelques instants. Voilà pour le déconfinement en France. Ailleurs en Europe, de nouvelles levées des restrictions sont entrées en vigueur aujourd'hui en Espagne, mais pas à Madrid ni à Barcelone, entre autres grandes villes. En effet, le risque est jugé trop grand dans les deux principales villes du pays. Les écoles ont rouvert en Norvège, en Suisse ou bien encore aux Pays-Bas. En Grèce, on a assisté à la réouverture de tous les magasins de détail, sauf les centres commerciaux. Et puis en Russie, le président Poutine a ordonné la fin de la période chômée et payée, période qui était en vigueur depuis fin mars, afin de faciliter la mise en œuvre du confinement à l'échelle nationale. C'est le signal d'une sortie pas à pas des restrictions en Russie, région par région. Direction maintenant la Belgique, où tous les magasins, y compris les centres commerciaux, ont rouvert leurs portes ce lundi. Reportage dans une zone commerciale de Mons, non loin de la frontière française, d'Anissaël Jabri. Ils sont une trentaine à être venus dès 9h30 du matin braver les rafales de vent et une température de quelques degrés au-dessus de zéro pour faire leurs courses. La police est là et vérifier les distances de sécurité dans la file d'attente. Vous attendiez avec impatience l'ouverture ? Bah oui, parce qu'il faut quand même acheter le nécessaire pour la naissance de mon bébé. Je sais où aller, vite fait, bien fait. Je ne flâne pas dans le magasin. Cette étudiante en droit vient, elle, de plusieurs dizaines de kilomètres avec un but bien précis. Pour que je rende les vêtements que j'avais achetés avant le confinement. Et puis bah, je me suis dit que peut-être il n'y aura pas autant de monde que ça, parce que justement tout le monde va dire bah non, je ne vais pas sortir aujourd'hui. Ça va, j'aurais cru franchement plus pire. 20 minutes d'attente dès l'ouverture, en un quart d'heure le temps d'attente double, c'est déjà trop pour ce chauffeur routier qui se rend souvent en France. Leur confinement est bien mieux encadré qu'ici. Ils ne peuvent pas se déplacer pour tout et pour rien, bon nous non plus, mais bon les gens le font quand même. Ça évite la propagation du virus, la preuve en est qu'ils sont beaucoup moins de morts que chez nous quoi. Avec près de 70 décès pour 100 000 habitants, la Belgique est le pays qui affiche le plus grand nombre de morts par rapport à sa population au monde, devant l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Anissaël Jabri, Mons, RFI. Le Premier ministre Boris Johnson devait prendre la parole cet après-midi au Parlement britannique au lendemain d'une intervention critiquée car jugée peu claire sur son plan de déconfinement. Le document de 50 pages détaille une levée progressive des restrictions dans le pays avec plus de 32 000 morts. C'est le plus touché après les États-Unis. Boris Johnson a prolongé jusqu'au 1er juin le confinement mais avec de nombreuses dérogations possibles. En Chine, de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans la province du Hubei, berceau de la pandémie, au moins 5 nouveaux cas. Cela reste peu, bien sûr, à l'échelle de la Chine, où aucun nouveau décès n'est intervenu depuis près d'un mois. Et puis, signe d'un retour progressif à la normale dans ce pays, le parc Disneyland de Shanghai a rouvert de façon partielle ses portes au public. Il s'agit du premier site Disney dans le monde à accueillir de nouveau des visiteurs depuis le début de la crise sanitaire. Un nouveau cycle de discussion a commencé aujourd'hui par visioconférence autour du Brexit entre les deux parties britanniques et européennes. Les deux parties qui négocient leurs relations futures après le départ du Royaume-Uni. Des négociations qui pour l'instant ne semblent pas très fructueuses. Le point avec Juliette Rangeval. Le temps presse et pourtant cela n'avance guère. Il y a la pandémie de coronavirus qui complique tout. Et puis les dernières discussions se sont terminées sur un constat d'échec avec d'un côté le négociateur européen Michel Barnier qui s'emporte contre le refus de Londres de s'engager sérieusement sur un certain nombre de points fondamentaux et de l'autre les Britanniques qui reconnaissent en effet des progrès limités. Les discussions achoppent toujours sur la forme que pourraient prendre les nouvelles relations entre l'Union européenne et Londres. Les Britanniques souhaitent plusieurs accords, l'UE en veut un seul, global. Ensuite, il y a par exemple la question de la pêche, c'est un dossier explosif. Britanniques et Européens se sont engagés à trouver un accord avant la fin de l'année et toute prolongation dans les discussions est censée être décidée d'ici à la fin juin, dans un peu plus d'un mois donc. Pour le moment, le Royaume-Uni rejette cette option malgré les retards causés par la pandémie de Covid-19. Cela semble donc annoncer des discussions difficiles cette semaine alors que Londres a ouvert un nouveau front en parallèle. Les Britanniques ont commencé à négocier la semaine dernière un accord commercial avec Washington. Le bilan d'un week-end d'incidents à Hong Kong. La police a procédé à 230 arrestations en marge de manifestations pro-démocratie. La contestation avait perdu en ampleur avec l'apparition du coronavirus en janvier. Mais hier, deux jours après l'assouplissement des restrictions à Hong Kong, eh bien la ville a de nouveau connu des manifestations limitées, certes manifestations sporadiques, qui ont donné lieu à de multiples descentes de police, notamment dans les... centres commerciaux. Revenons maintenant sur le plan du gouvernement britannique en vue du déconfinement. Il ouvre la voie à une reprise des compétitions sportives dès le 1er juin, mais à huis clos, ce qui permettra à la Première Ligue, le championnat de football bien connu, de terminer sa saison. Les dirigeants des 20 clubs de l'élite se sont retrouvés aujourd'hui pour préciser les conditions de cette reprise. Le plan à l'étude s'appelle Restart Project. Il est pour l'instant loin de faire l'unanimité. Éric Mamrut. Pour que le football redémarre en Angleterre, outre le feu vert du gouvernement, il faut que le plan de reprise soit accepté par au minimum 14 des 20 clubs de Première Ligue. Or, pour l'instant, au moins 8 d'entre eux seraient contre. Surtout des mal classés, radicalement opposés à l'une des conditions de ce plan. Celle de faire disputer les 92 matchs restants, certes à huis clos, mais sur terrain neutre. Chaque équipe jouerait en effet loin de ses bases et donc de ses supporters afin d'éviter tout attroupement. Pour des clubs comme Watford ou Aston Villa qui luttent pour le maintien, ne plus pouvoir disputer leur dernier match à domicile, c'est-à-dire dans un environnement familier, est totalement injuste. C'est en effet chez lui que Watford est devenu la seule équipe à terrasser Liverpool cette saison. En plus de l'équité sportive, forcément variable selon le classement du club, le plan de reprise devra garantir la santé de toutes les personnes présentes dans le stade, à commencer par celle des joueurs. Certains ont déjà exprimé leurs craintes. Samedi d'ailleurs, un joueur de Brighton a été testé positif. Bref, les discussions s'annoncent acharnées et la conclusion incertaine. Si la saison ne pouvait aller jusqu'à son terme, le risque de perte pour la Première Ligue est estimé à plus d'un milliard d'euros. Éric Mamrut, un coup d'œil à la bourse de New York Wall Street a ouvert en baisse cet après-midi, moins 0,9% pour l'indice Dow Jones. Je vous rappelle enfin que toute l'actualité du coronavirus est à retrouver sur notre site internet rfi.fr, avec en particulier une série actuellement sur les stratégies face à la crise pays par pays. Aujourd'hui, le Brésil, le point aussi sur la situation en Europe à l'heure d'une reprise de l'activité, notamment en France, après presque 2 mois de confinement. Donc, si vous voulez venir un peu tâter du micro, n'hésitez pas. Là, nous sommes actuellement au niveau de Nocibé. Et comme il faut dire d'autres marques, je vais dire Mariono, je vais dire Nicolas. Donc, s'il n'y a pas de Mariono à côté, voilà, comme ça. On est clair. Merci de faire tout ce soir en direct, évidemment, sur votre radio préférée. La radio Antigone, le son qui a du sens. Surtout le 11 mai, jour de déconfinement. Attention aux vélos. J'avoue que les vélos, c'est toujours compliqué. Et on dit bonjour à Lucie, évidemment, qui ne me voit pas. C'est génial. J'adore quand je prends des vents en plein direct. C'est un grand moment. Voilà, donc nous sommes ici, donc depuis la rue nationale à Tours. Et vous l'entendez, il y a le tramway qui arrive. Merci également à Enzo qui réalise l'émission avec deux bouts de ficelle, car je suis simplement avec mon téléphone. Comment dire que la radio, c'est quand même quelque chose de très très beau à vivre. Enzo évidemment fait en sorte pour qu'il n'y ait pas de partenaires qui demandent que cela pouvoir arriver. Évidemment, nous nous en excusons platement. Alors, si vous nous écoutez en direct depuis chez vous, vous pouvez nous contacter pour passer à l'enseigne en direct. Matt vous l'a dit dans la case musicale à partir de 18h30, donc libre antenne jusqu'à 19h30. Rendez-vous sur le site de Radio Antigone, c'est-à-dire je vous le redonne, tour.radioantigone.com. On voulait nous appeler et vous tomberez sur notre standard pour venir parler avec nous par téléphone en direct pour le prix d'un appel local, voire même gratuit si vous passez par le Wi-Fi. On va dire que c'est magique, même, et si vous me croisez, que vous me connaissez, peut-être que cela pourrait arriver. Je n'ai pas de ticket jaune, malheureusement, je devais l'avoir, je ne l'ai pas. Eh bien, vous pouvez quand même venir parler un petit peu, voilà. Poser des questions, parler de vos coups de gueule, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, en direct, évidemment. En ce lundi soir de déconfinement, principal. Je veux dire qu'il y a du monde. Alors, avant de vous écoutez par téléphone et dans la rue, évidemment. Il y a quand même pas mal d'infos à savoir ce lundi 11 mai. Alors, vous l'aurez compris, évidemment, c'est le déconfinement partie 1 aujourd'hui. Et il faut savoir que les écoles maternelles et primaires, qui sont sous gestion municipale, vous n'êtes pas sans le savoir, ne rouvriront que jeudi. Donc, encore un peu de patience, chers parents qui ont envie, depuis maintenant presque 2 mois, que leur douce marmaille retourne enfin dans son école. À savoir aussi que si vous ne pouvez pas retourner boire des coups de place Plumereau et retourner en cours, si vous êtes lycéen, cela ne sera pas possible avant au minimum début juin. Mais oui, encore patience. pour aller profiter des happy hours. Également, donc les derniers chiffres qui sont tombés, alors les derniers chiffres du jour, pour ceux qui datent donc de hier soir, malheureusement on n'a pas encore eu la dernière actualisation pour l'instant. 68 personnes décédées dans un établissement hospitalier en Indre-et-Loire, 444 en centre Val-de-Loire, donc plus 4, soit 26 380 en France. 19 malades sont en réanimation en Touraine, 76 dans la région, et un peu plus de 2770 globalement en France. Au total, aujourd'hui, il y a eu 40 personnes décédées dans les établissements médico-sociaux d'Indre-et-Loire, que sont les EHPAD, que sont les maisons de retraite, et 355 dans les 6 départements de notre belle région ligérienne. 5518 cas de coronavirus ont été confirmés dans la région, après test évidemment. Et ce qui nous donne également 1435 personnes qui sont sorties guéries du coronavirus après l'hospitalisation dans la région. 237 en Touraine, soit 56 217 en France globalement. Alors évidemment, pour se protéger de l'épidémie, vous le savez, les autorités recommandent le port du masque dans l'espace public, dans le tram, dans le bus, dans le métro, bref, un petit peu partout. Et d'ailleurs, là, j'ai fait un petit tour dans les rues de Tours aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins qui obligent évidemment au port du masque. Je pense à Monoprix, par exemple, Carrefour City, ou à Auchan, le masque est obligatoire. Donc attention, le masque, pour s'en procurer, il y a plusieurs solutions possibles. Comme on a... Visiblement, on a perdu la liaison avec Antoine. Alors, la liaison avec Antoine que nous allons retrouver, vous êtes toujours en plein cœur de l'édition spéciale de la case info de Radio Antigone. Ça a coupé, je crois. Grrr, la connexion. Départemental d'Indre-et-Loire. Les masques en tissu, théoriquement, peuvent être utilisés 5, 10, 15, 20 fois ou plus, selon leur qualité et la constitution du tissu. Les modèles les plus efficaces sont ceux qui ont été validés par la Direction Générale de l'Armement, vous savez peut-être, comme les 400 000 unités qui ont été commandées par la métropole de Tours et l'entreprise de Saint-Avertin. Donc pour les laver, il faut bien les passer à la machine à 60 degrés minimum, ou utiliser de l'eau très très chaude avec du savon de Marseille, que cela soit bien dit évidemment. Les déplacements, alors les déplacements, comment vous dire, là, nous sommes rue Nationale, qui est l'artère principale de Tours. Même s'il a plu, il y a quand même pas mal de monde. Autant vous dire qu'on sent que la Touraine s'est déjà déconfinée depuis un bon petit moment. Mais il faut quand même bien vous rappeler que les déplacements sont censés être déconseillés et réservés ce qui est nécessaire. Donc là, autant vous dire qu'il y a plus que nécessaire des sorties, je présume. Donc il n'y a plus besoin d'attestation pour sortir, à part si on veut faire plus de 100 km. On va y revenir évidemment. Il y a un formulaire qui existe sur le site du ministère de l'Intérieur, même si évidemment, il existe forcément pour le gouvernement. Il y a forcément un souci dans le potage. En effet, la loi n'a pas été promulguée. On pensait pas que ça allait être possible. Et pourtant, ils l'ont fait. C'est merveilleux. En effet, avec ce couac, l'exécutif se voit donc contraint d'ailleurs de faire appel au sens de la responsabilité des Français, selon Édouard Philippe, pour respecter certaines de ses conditions. Ce qui veut donc dire que légalement, pour l'instant, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas ratifié la loi, légalement, on peut ici à Tours aller à Lille, à Bordeaux, à Nice ou à Strasbourg complètement et légalement. C'est complètement improbable, c'est possible. Mais en pratique, pour franchir ce seuil donc de 100 km, il faut qu'il s'agisse d'un motif familial ou d'un motif professionnel. Il est donc autorisé de franchir les frontières départementales tant qu'on reste à moins de 100 km de son domicile. Donc ici, depuis Tours, vous pouvez aller à Blois, au Mans, à Poitiers ou à Angers. Même si aller au Mans, c'est pas quelque chose de très très sexy techniquement. Alors, il est possible également de voir de la famille ou des amis dans des rassemblements qui sont limités à 10 personnes maximum. 10 personnes, ça fait pas beaucoup, et le port du masque, évidemment, diminue. Il faut évidemment garder ses distances, éviter de s'embrasser et tout ça. Donc, si vous avez eu des crushs en Tinder, Apple ou Fritz, voilà, il faut quand même attendre un petit peu avant d'essayer de concrétiser la chose. Les visites en EHPAD sont autorisées sur rendez-vous et sans contact physique. Pour en revenir à l'affaire du Conseil constitutionnel, saisi par Emmanuel Macron notamment, il ne rendra finalement son avis que ce soir sur cette loi d'urgence adoptée samedi par le Parlement. Donc ça va repousser à ce soir au minimum ou à demain matin, sous réserve de cet aval, l'entrée en vigueur de deux dispositions phares que je vous ai citées, la limitation des déplacements à 100 km ou l'utilisation obligatoire dans les transports en commun. Alors, évidemment, vous connaissez, le gouvernement a essayé de faire preuve de parcimonie et de tact pour minimiser ce mauvais timing. L'exécutif explique au sujet de ces dispositions qu'il était en tout état de cause prévu qu'elle devait faire l'objet d'une période de tolérance. De tolérance, comment vous dire que c'est quand même une place de flagornerie. Et le défaut de ne pouvoir présenter l'attestation d'employeur demandé pour emprunter le transport en commun en région Île-de-France ne sera verbalisé qu'à partir de mercredi, avait d'ailleurs annoncé dimanche la présidente de la région, la présidente LR, Valérie Pécresse. Vous avez pu le voir ce matin sur le chaîne d'information, sur les réseaux sociaux évidemment. Les rames de métro des RER étaient très largement bondées, mais voici en péril d'un mètre entre chaque voyageur. Vous écoutez Radio de la rue nationale, et les gens n'ont pas envie de s'arrêter. C'est très embêtant à gérer, 18h20. Vous êtes en direct, merci d'être avec nous. Petite page musicale avec Témé Impala, voici Let It Happen, on revient juste après. Pour la suite de cette édition spéciale, jusqu'à 18h30, puis 19h30 pour la libre antenne sur Radio Antigone. A tout de suite. Vous êtes toujours au plein cœur de votre case info, le radio-journal avec Antoine. La suite en direct de Tours. Nous avons perdu la liaison, je crois. Antoine, es-tu là? Non, on a perdu la liaison. On va essayer de retrouver. Si vous êtes à Tours, n'hésitez pas, bien sûr, à essayer d'apercevoir Antoine. Antoine, on t'entend? Si. Ça y est, vous êtes de retour. Putain. C'est bon, on t'entend, Antoine. Vous êtes à l'antenne. Ah, visiblement. Les problèmes de connexion. C'est à l'antenne. Très bien, voilà. Bon, j'ai pas entendu le top, mais nous sommes toujours en direct, vous l'avez compris. Désolé de ce... Alors. On a quelques vraiment gros problèmes de liaison avec Antoine. C'est les problèmes techniques. Hein. Merci à Free de ne pas fournir une connexion fixe. Voilà, c'est-à-dire que ça coupe très régulièrement depuis quelques temps. Le temps de changer de réseau Wi-Fi. Voilà, hop, de saisir le mot de passe et de retrouver la connexion avec Antoine. Nous sommes toujours en direct de Tours, en direct avec Antoine et son micro qui essaie de vous donner la parole. Je vais voir si j'arrive à retrouver le contact avec eux. Radio Antigone, 18h, 18h26. Ça y est, Antoine, on t'entend. Ah, 18h26, donc il nous reste 4 minutes, donc on va dire que ça va être... assez rapide comme conclusion. Donc là, j'ai pas envie de vous dire de venir parler parce que là, il reste 4 minutes à l'émission, donc c'est très compliqué à gérer. Mais par contre, chose très importante ici en Touraine, parce qu'on n'a pas fait le point sur ce qui se passe en Touraine, parce qu'évidemment, c'est la radio de la Touraine, quoi, quand on parle un peu de ce qui se passe chez nous. Tous les commerces peuvent réaccueillir du public, c'est-à-dire tous les commerces, sauf les bars et les cafés qui peuvent proposer des formules à emporter. Fermeture maximale à 22h, donc plus possible d'aller chez l'épicier à minuit pour trouver une quinzaine de bières, ce sera fermé. Certains magasins ont quand même choisi de reporter leur reprise d'activité. C'est-à-dire que là où, ici à Tours, il y a peut-être un magasin sur 3, un magasin sur 4 qui sont toujours fermés pour ouvrir mieux demain. Niveau transport, le masque est désormais obligatoire, donc je vous le disais, dans les transports en commun à partir de 10 ans. Et la SNCF fait circuler en moyenne 50% de ses trains Rémi, 25% pour Tours-Châteaudun, autant vous dire qu'il va y avoir un train par semaine à ce rythme-là. Un train sur trois entre Tours et Loches, puis 80 à 90% en juin. Cependant, je vous annonce que les premières et secondes classes sont supprimées, que c'est des trains qui viennent à classe complètement unique. Évidemment, il faut condamner des ciels, donc forcément, ils ont fermé la première classe, comme 99% des régions en France, il était temps. Par contre, en certains axes, anciennement, les intercités Tours-Orléans, Tours-Paris, Tours-Poitiers, Tours-Loches, également Tours-Nevers pour certains, également Paris, Les Aubrais, Bourges, Montluçon. Les trains sont en réservation obligatoire, donc faudra bien monter avec un coupon gratuit que vous pourrez avoir sur Internet ou depuis votre smartphone pour bien aider que vous pouvez monter dans le train. Et sinon, vous ne pourrez pas monter dans le train. 50% des sièges occupés égale réservation bloquée. Il y aura quand même un petit quota de place qui est réservé pour les non-abonnés, c'est quelque chose d'assez dérisoire. Donc, ne vous attendez pas à monter dans le train et dire « Tiens, je vais aller là ». Ce n'est pas réservé, c'est très compliqué à gérer. Par ailleurs, à Tours, dans la métropole, au niveau du service urbain, fil bleu, jusqu'au 10 juillet inclus, avec des modifications possibles au fur et à mesure des changements de la fréquentation qui s'avère plutôt correcte. Aujourd'hui, il faut bien le dire, pour avoir pris le tram et le bus, il y a quand même un petit peu de monde, mais c'est pas non plus la folie. 8 minutes de tram en semaine jusqu'à 22h30, fin du service tram et bus à 22h30, attention. Un bus toutes les 10 minutes maximum sur la ligne 2, donc on va peut-être en avoir un peu plus. Ligne 3, 4 et 5 toutes les 15 minutes, toutes les 20 à 30 minutes pour la ligne 11, 30 à 40 minutes pour les lignes 12 à 30, 50% des horaires habituels pour les lignes 32 et 34. Évidemment, notre bonne vieille ligne 50 préférée. Pas plus de 2 bus par heure, autant vous dire qu'il fallait bien s'y attendre. Pas de vente de tickets par les conducteurs qui sont masqués et l'accès à bord à l'avant est toujours interdit par ailleurs. Service normal pour le réseau Filblanc dit aux personnes en situation de handicap. Le dispositif Resabus reste en fonction quant à lui, sans perturbation. Il n'y a toujours pas de citadine avec les bus qui se retournent ou encore de la calèche. Vous écoutez Radio Antigone et Phil FM. Il est 18h et quasiment 30 minutes. Et oui, ça y est, on va déjà se quitter ici pour ce soir. Voilà pour cette première et probablement dernière édition spéciale en extérieur du Radio Journal. La suite de Radio Antigone et Phil FM que nous avons proposé en direct depuis la rue nationale et le tramway et la plage Jean Jaurès. À suivre une émission spéciale de la case du soir avec Enzo, Matt et Morgane notamment. Bonne soirée sur Radio Antigone et sur Phil FM. Faites attention à vous. Bonsoir, merci et surtout à demain 18h. Merci. Et... merci Antoine, rentre chaud Antoine, va te faire un bon café. Nous on est là pour vous accompagner pendant un café au lait. Oui. Un bon café au lait, ça me plaît ça. Allez, fais-toi plaisir. Nous on vous accompagne donc jusqu'à 19h30, c'est-à-dire une heure ensemble pour la Casse Talk en édition spéciale. Il est 18h31. On est à l'heure. Radio Antigone. Eh oui. Radio Antigone. Je me déconnecte parce que là j'ai plus que 2% de batterie. Donc je me reconnais quand j'arrive Antigone. À la maison. Bisous les copains, merci et à tout de suite. De 18h30 à 19h30, c'est la case Talk d'Enzo. Nous sommes là, effectivement, en édition spéciale aujourd'hui. Comme demain d'ailleurs, on vous en reparlera. Mais aujourd'hui, édition spéciale, premier jour de déconfinement en France. Lundi 11 mai 2020, c'est la date. Nous sommes bien sûr avec Matt. Bonsoir Matt. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Bonsoir, oui, merci. Je sais plus ce que je dis, ça commence mal. Bonjour également à Morgane. Bonsoir. Comment vas-tu ? Sans commentaire. Très bien, sans commentaire. Jamais 203, comme on dit, c'est la troisième fois que tu réagis comme ça. On va essayer de te procurer de la bonne humeur comme à vous, chers auditeurs. Je le disais donc, édition spéciale aujourd'hui. On va garder notre programmation habituelle avec le programme TV, la case d'avant, les actus numériques et le quiz. Sauf que vous allez pouvoir passer à l'antenne et témoigner de cette première journée de déconfinement en allant sur le site depuis un smartphone. Dans le menu, vous avez un petit bouton appuyé, vous savez, le menu déroulant avec les trois barres à l'horizontale. Vous appuyez, vous avez le menu... et vous appuyez pas sur accueil, mais nous appelez. Ça vous compose automatiquement le numéro de téléphone de notre standard. Et Matt vous accueillera très gentiment pour que vous puissiez passer à l'antenne très rapidement. Objectif, c'est qu'on ait au moins un auditeur, donc s'il vous plaît... N'hésitez pas. Mais oui, n'hésitez pas, c'est gratuit, l'appel est non surtaxé. Hein. C'est pris dans l'appel local, comme si vous appeliez votre mamie. Donc faites-vous plaisir, appelez également vos grands-parents, hein, ça c'est pas un problème. Mais n'hésitez pas, on est là, on est ouvert jusqu'à 19h30. Si vous nous appelez pile à 19h30, on verra, on se débrouillera aussi. Hein. Mais voilà, restez bien sûr avec nous et n'hésitez pas à nous appeler pour nous partager cette première journée de déconfinement. Et puis même, hein, si vous n'avez pas grand-chose à dire, n'hésitez pas, passez un bon moment avec nous. Mais oui, venez. Vous êtes donc sur Radio Antigone, pardon, un petit blanc, ça commence bien. 18h33, les programmes habituels sont bien sûr toujours là. On a le programme TV qui arrive, La case d'avant également, les actus du numérique. Qui veut gagner des Antigone, c'est le quiz. Ça y est, ça fait une semaine qu'on a une nouvelle formule de ce quiz. Et une nouvelle mini-rubrique. Vous savez, sur Radio Antigone, il n'y a aucune publicité. Mais vous allez quand même pouvoir avoir un petit moment nostalgie en réécoutant tous les jours une ancienne publicité que vous avez très certainement entendue. Aujourd'hui, on reviendra en 1981. Je ne vous dis pas la marque pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une marque qui n'existe plus, je crois. En tout cas, dans son nom, comme il était noté, en 1981. Je vous laisse donc réfléchir. Merci à Antoine pour son radio-journal. On commence en musique, bien sûr. On aura du Vulfec. Qu'est-ce qu'on aura d'autre en musique? On aura du Arcade Fire, du Noir Désir. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter Serge Gainsbourg, avec Je suis venir... Je vais y arriver, je reprends. Je vous propose, juste avant le programme TV et la case d'avant, d'écouter Serge Gainsbourg avec Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Oui, je suis au regret. Serge Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais sur Radio Antigone. Et non, on ne s'en va pas, l'émission La Case Talk, la dernière partie de La Case du Soir vient de commencer, donc on reste là pendant encore plus de 50 minutes, 18h38, c'est tout pile l'heure du programme TV. Radio Antigone, le programme TV. Avec ce nouveau beau jingle, merci à Morgane qui a composé ce beau sonore pour l'habillage de Radio Antigone. Merci beaucoup à toi, ma chère Morgane. Et puis, tiens, à toi l'honneur, justement, pour le programme TV, ton conseil, que nous proposes-tu ce soir à la télévision? Eh bien, pour moi, ce soir, ça ne va pas être très compliqué. Je vais rester avec une valeur sûre, avec une série américaine, Dr House. Bon, tout le monde connaît, je pense à peu près maintenant. Mais si on devait résumer pour éventuellement les derniers retardataires qui ne connaîtraient pas la série, c'est donc l'histoire d'un médecin génial dans ce qu'il fait, hein, mais très antipathique et comment dire, pas forcément le plus agréable à croiser en société. Donc voilà, un médecin qui fait souvent des coups vaches et qui s'attaque avec son équipe qui essaye de le supporter tant bien que mal à des cas médicaux souvent mystérieux et intrigants et à certaines maladies, pathologies rares ou à l'origine bien cachées parfois. Ça sera encore le cas dans les épisodes proposés ce soir en rediffusion par TF1 Série Film à 21h. Dans le premier épisode, non seulement l'équipe va inspecter l'état de santé du patient, mais va aussi révéler quelques-uns de ses lourds secrets. Secrets qui pourraient avoir quelque chose peut-être à voir avec sa santé d'ailleurs. Je vous en dis pas plus. Dans le deuxième épisode, vous en aurez déjà conclu qu'il y a plusieurs épisodes à la suite. Oui, ils font souvent ça maintenant à la télé. Ils mettent une belle brochette d'épisodes. Dans le deuxième épisode de la soirée, un adolescent est victime d'une paralysie fulgurante au cours de sa première prestation en tant que clown. Et dans le troisième épisode, si vous êtes encore debout, si vous êtes couche tard et que, ma foi, vous regardez rien, rien d'autre à la télé, que vous n'avez pas à travailler le lendemain, il y a un épisode intitulé « Opération maison ». Voilà, dans un contexte de série médicale, je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire. Enfin, donc voilà, moi, je vais me poser devant Dr House ce soir sur TF1 Série Film, Canal 20. Merci beaucoup, Morgane, pour ce conseil. On passe à Matt. Que nous proposes-tu ce soir à la télévision, Matt? Et eh ben alors moi j'ai envie de casser la petite routine de Morgane pour vous proposer de regarder une nouvelle série inédite. C'est une série produite par Canal+, elle s'appelle Validée et c'est une série de Franck Gastambide et David Diane. Elle est sortie sur la plateforme MyCanal en ce début de confinement. Le premier épisode est d'ailleurs disponible gratuitement sur YouTube, et ce soir à 21h, Canal+ Canal Plus diffuse les 3 premiers épisodes de la série. Je vais vous lire le résumé. Clément Sabayot, petit livreur de drogue, toujours accompagné de ses deux potes d'enfance, William et Brahim, rêve de devenir rappeur. Une livraison en bas de la radio Skyrock lui donne l'occasion de s'inviter dans l'émission spéciale consacrée à Mastar, une légende du rap français. Épaulé par William et Brahim, Clément se retrouve du jour au lendemain validé par la star du rap. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité. Et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que dans le rap, bien plus qu'ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes. Une série donc sur l'univers du rap, une première série dramatique sur cet univers, produite par Franck Gastambide et sur Canal+, qui est donc diffusé ce soir. Les 3 premiers épisodes, ils durent chacun 30 minutes. Je vous conseille de la voir, j'ai vu que le premier épisode, donc je peux pas en dire plus, mais je vous conseille, bien évidemment, de regarder le premier épisode. Il est incroyable, et ceux qui suivent le sont certainement aussi. Ce soir à 21h, validé sur Canal+. Matt ? Allô ? Oui ? Je t'entends. C'est fini? Ah d'accord. Non, je pensais qu'avec ton tu allais redire autre chose. Je crois qu'on a perdu Enzo. Matt, pour ce conseil, un des seuls programmes inédits de ce soir, puisque effectivement sur TF1, c'est une rediffusion du film Ma famille t'adore déjà. Sur France 2, rediffusion également de Meurtre au paradis. Sur France 3, rediffusion une nouvelle fois de Secret d'histoire, Madame Royale, l'orpheline de la Révolution. Rediffusion du film Le Sucre sur France 5. Rediffusion encore une fois d'un film, le film Évasion sur M6. Rediffusion également du film La famille Bélier avec Louane sur C8. Voilà, il n'y a pas très peu de programmes inédits, à part sur l'équipe, la chaîne L'Équipe à 20h50. Secours routier poids lourd, c'est un documentaire inédit. Et je crois que c'est tout. Voilà, on a aussi sur RMC Découverte et RMC Story, les quatre seuls inédits avec Canal+, donc le film Hors de Contrôle, le documentaire, pardon, sur le naufrage de l'Amoco Cadiz, et sur RMC Découverte, un numéro de Machine de Génie sur les hélicoptères en montagne aujourd'hui. Vous êtes sur Radio Antigone, 18h43, déjà presque l'heure, 18h44 même, de la case d'avant. La case d'avant, pour revenir sur les titres de l'actualité d'il y a quelques années, ça arrive dans tout pile 2 minutes 40, voilà, on se fait plaisir. En attendant, je vous propose, avant de faire un point sur l'actualité à 19h et de retrouver les actus du numérique, d'écouter Wolfpack. He, effectivement, c'était Wolfpack sur Radio Antigone. Il est 18h46, 7 un peu de retard. Dans moins de 15 minutes, un nouveau point sur toute l'actualité de ce premier jour de déconfinement en France, le lundi 11 mai. Mais pour l'instant, nous revenons à un autre 11 mai. Radio Antigone. La case d'avant. Et plus précisément le 11 mai 2006. La case d'avant, c'est la rubrique qui nous permet de réécouter les titres de l'actualité d'il y a quelques années et d'en débattre ensuite avec toute l'équipe. Nous avons bien sûr Matt, Morgan qui sont là. Les sujets évoqués aujourd'hui sont encore très intéressants. Et c'était avec David Pujadas, donc le 11 mai 2006, avec David Pujadas. Je me répète, j'ai l'impression. Ah, alors la virgule ne parle pas. Super, j'adore. Vous êtes sur Radio Antigone, oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous sommes toujours au plein cœur d'une édition spéciale. Si vous voulez nous appeler, nous partager votre premier jour de déconfinement, n'hésitez pas via le menu sur le site de Radio Antigone, tour.radioantigone.com. Quand vous êtes sur un téléphone, le menu, vous avez un bouton « Nous appeler ». Et puis ça compose automatiquement le numéro qui vous permet d'entrer en contact avec Matt qui est au standard. Vous n'avez pas grand-chose à dire, eh bien ce n'est rien, on se fera quand même un plaisir de discuter avec vous. Voilà, c'est et surtout plaisir. Édition spéciale jusqu'à 19h30. Oui, Matt. Oui, surtout, vous pouvez venir pour parler de votre premier jour de déconfinement, ou même, si vous voulez revenir sur ces 58 jours de déconfinement, sur ce qui s'est passé en politique, en économie, dans les médias, quoi que ce soit, dans la culture aussi, venez nous en parler, je vous attends avec grande joie sur le répondeur de Radio Antigone. Enfin, sur le répondeur au standard, s'il vous plaît. Effectivement, et si vous voulez réagir à la case d'avant qui commence, vous pouvez également nous appeler pour passer à l'antenne et réagir sur un sujet évoqué aujourd'hui, ou alors vous utilisez le hashtag LCDS sur Twitter. Normalement, la virgule veut partir, c'est parti. Les titres avec David Pujadas. Voilà. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un procès symbolique et attendu sur l'amiante a commencé à Lille, celui d'une entreprise qui n'avait pas respecté la loi. Les dirigeants de cette filiale d'Alstom se sont défendus d'avoir mis en danger la vie des salariés. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal. Nouvelles informations dans l'affaire Clearstream. L'enquête sur le corbeau se resserre un peu plus sur Jean-Louis Gergorin, mais le juge Van Runbeek, destinataire de ces lettres, est lui aussi épinglé car il aurait accepté que les documents soient envoyés par courrier anonyme. Sa promotion est suspendue. Il est sous le coup d'une enquête administrative. Une manifestation de plusieurs milliers de forains et de professionnels du cirque à Paris. Ils estiment que leur métier est en danger car les municipalités les relèguent à la périphérie de plus en plus loin. Un défilé émaillé d'incidents avec la police. La Poste veut en finir avec le courrier trop lent. Elle inaugure de nouvelles machines qui permettent de trier 500 lettres à la minute. Objectif, pas plus de 24 heures pour un envoi. Le sommet entre l'Union européenne et l'Amérique latine a commencé à Vienne sur fond de nouvelles donnes. Avec Lula, Chavez et Morales, le continent sud-américain a basculé à gauche et veut redéfinir ses rapports avec les grandes puissances, notamment sur les questions d'énergie. Enfin, les dauphins intelligents, ça n'est pas une légende. Une étude vient de montrer qu'ils sont les seuls animaux capables de s'appeler et de s'identifier par un nom. L'expérience a fonctionné dans 2 cas sur 3. Voilà, et je m'excuse encore pour cette petite coupure. Je crois qu'en plus, je n'avais pas activé mon micro quand je vous ai expliqué ce qu'il se passait. Je vous propose de revenir au premier sujet qui nous parle d'amiante et d'un procès pour Alstom qui n'avait pas visiblement pris toutes les mesures de sécurité qui n'étaient pas dans la loi sur l'amiante. Alors l'amiante, on le rappelle, c'est un matériau qui est très dangereux pour l'homme notamment, qui crée de nombreuses maladies. Morgane, Matt, première question. D'après vous, est-ce que on risque d'avoir d'autres scandales d'amiante avec potentiellement des vieux bâtiments qui n'ont pas été rénovés et qui en ont encore ? Est-ce que c'est impossible normalement ? La question de savoir s'il y aura un nouveau scandale de taille comparable à celui de l'amiante, c'est une question qui, en tout cas, c'est un argument qui est souvent agité dès qu'il y a des suspicions sur telle ou telle substance, à tort ou à raison d'ailleurs. Y aura-t-il un nouveau scandale de même taille que celui de l'amiante ? L'avenir nous le dira. En attendant, il y a encore effectivement des bâtiments qui contiennent de l'amiante en France, des fibres d'amiante plus précisément, puisque ce sont elles qui se logent dans les poumons et qui sont sous cette forme-là quand c'est cancérigène. Je pense que le plus grand danger en tant que tel était surtout pour les travailleurs du bâtiment qui étaient exposés. Aujourd'hui, il existe pas mal d'entreprises de désamiantage qui, grâce au scandale et grâce aux mesures sanitaires mises en place, disposent de moyens de protection, dont j'espère que ces moyens de protection, en tout cas, sont bien mis en place par les employeurs, mais ça, c'est un autre débat. Après, effectivement, il y a la question de l'amiante dans les habitations. Je pense qu'elle rejoint un peu celle du plomb, dans le sens où on a employé des matériaux à une époque sans forcément que le grand public soit au courant de la dangerosité. Et vu qu'aujourd'hui, ben, les bâtiments sont anciens, mais ils existent toujours, il y a toujours du monde dedans, on va pas les déloger les gens pour dire ah, vous partez de là, il y a de l'amiante. Ou alors on prend en charge leur relogement temporaire, le temps de désamianter un logement. Mais En tout cas, vous l'aurez compris, je suppose que la question de l'amiante est loin d'être réglée, d'être complètement réglée en tout cas. Matt, tu es d'accord? Quelque chose à rajouter peut-être? Non, franchement, j'ai rien à dire de plus, mis à part que le désamiantage, ça prend du temps, étant donné que on en mettait littéralement partout. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas de l'amiante dans mon lycée ou s'il y en avait. Parce que quand on voit les plafonds, on est la main, ça ressemble vachement à de l'amiante. Et quand il y a les kékés qui balancent des stylos dessus, ça nous tombe sur la gueule, est-ce que c'est bien? Donc, je sais pas, le désamiantage, c'est compliqué à dire. Ça prend du temps. Est-ce qu'il y a un danger qu'on soit recontaminé? Je sais pas, parce que je sais que l'amiante, c'est dangereux à partir d'une certaine quantité. En attendant, ça va. Eh bien, merci beaucoup, Matt. Je vous préviens d'avance, on n'aura pas le temps d'évoquer tous les sujets. On a encore l'affaire Clearstream, on a les forains qui étaient dans la rue ce 11 mai 2006, on a le temps de livraison de la poste, ça je pense qu'on laissera à demain. Mais parlons maintenant de cette affaire Clearstream, des nouvelles révélations dans cette affaire. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Déjà, il faut savoir que c'est la deuxième partie, parce qu'il y en avait déjà eu en 2001. Et donc, l'affaire Clearstream 2, c'est comme ça qu'elle est appelée, ou l'affaire EADS Clearstream, ou celle du corbeau des frégales de Taïwan. C'est une affaire qui est apparue en 2004, donc là on est quand même en 2006. Un petit groupe de politiciens et industriels a tenté de manipuler la justice afin d'évincer des concurrents, en voulant faire croire à l'implication de ceux-ci dans le scandale des frégales de Taïwan. Les frégales de Taïwan, c'était lié à un contrat d'armement qui a été signé en août 1991 et qui prévoyait la vente par des industries françaises. Bref, un gros bazar, peut-être pas utiliser ce mot, d'une belle arnaque. Est-ce que il est possible d'avoir d'autres affaires dans d'autres secteurs comme ça, de manipulation, de montage, de fausses révélations qui prennent une tournure immense? Est-ce que en 2020 c'est encore possible, ou les enquêteurs avec tous leurs services numériques maintenant peuvent éviter cela? Je pense que ça reste possible. Après tout, depuis peut-être le début de l'histoire de l'humanité, on cherche à manipuler, à monter des jeux d'influence pour servir son intérêt personnel, que ce soit sous forme d'affaires Clearstream ou dans les relations interpersonnelles les plus banales. Donc, à moins d'avoir un système qui dans lequel on aura une plus grande transparence sur le milieu des affaires, je pense que ce genre de pratique pourrait se reproduire. Après, honnêtement, il y en a peut-être tous les jours des plus petites qui se passent. Oui, c'est une fatigue. Vas-y, Morgane. Oui, non, mais justement, je me souvenais plus exactement de la question du fait de ma fatigue. Je m'en excuse, bien sûr, auprès de nos auditeurs. La question, c'est après de la souligner quelque chose qui me fait rire dans cette affaire d'opacité et de jeu d'influence, et après je laisse la parole à Matt quand même, c'est que Clearstream en anglais, ça veut dire un courant limpide. Et on voit que ça n'a pas été trop le cas dans cette affaire. Matt, qu'en penses-tu, toi? Moi, tout ce qui concerne les montages financiers, pour moi, ça se rapproche aussi de l'évasion fiscale. Pour moi, ça existera toujours. Enfin, toujours. Tant qu'on reste dans ce système où il y a des failles, où il y a des personnes qui utilisent ces failles à leurs avantages, ça va continuer. Et j'ai envie de me faire, entre guillemets, alors, pas l'avocat du diable, mais c'est-à-dire que les personnes profitent des failles du système et elles ont, dans un certain sens, raison. Enfin, elles n'ont pas raison de le faire, mais c'est-à-dire que elles voient cette faille, elles l'utilisent à leur avantage. Si les failles n'existaient pas, personne n'aurait pu l'utiliser. C'est tout simple. Or, ça existe. Alors, les personnes ne devraient pas l'utiliser, mais ça existe. Les personnes l'utilisent. Donc, je pense que ce qui pourrait être bien, c'est essayer de reboucher toutes ces failles pour éviter que des personnes les utilisent à leur avantage et aux dépens du reste de la population. Justement, deuxième question, très rapidement, on a 20 secondes. Est-ce que, d'après toi, toutes ces failles peuvent-elles être corrigées? Est-ce que c'est vraiment techniquement possible, légalement possible? Est-ce qu'il y a les ressources pour faire ça? Est-ce que c'est possible? Ben alors, aucun système est infaillible, mais on peut utiliser, par exemple, ça existe beaucoup avec les hackers. Il y a des entreprises qui organisent des hackathons. Enfin, ouais, c'est un truc où, du coup, il y a plein de hackers qui sont invités à hacker les systèmes d'entreprise pour voir où sont les failles, pour pouvoir les réparer. Et ça peut, c'est très utile. Et donc, il y a les failles Internet peuvent se résoudre comme ça. Enfin, failles Internet électroniques plus généralement. Et après, tout ce qui concerne les failles dans les marchés financiers, tout ça, c'est très difficile à colmater. Je pense qu'on peut, alors, on peut colmater une partie ou, du moins, empêcher les personnes d'arriver à ces failles. Eh bien, merci Matt, merci Morgane pour ce très beau débat. On parlera des forains qui étaient dans la rue, ainsi que de la rapidité de la poste. Oh là là, je sens qu'on va rigoler sur ce sujet. On parlera de tout ça demain aux alentours de 18h45 sur Radio Antigone dans votre case d'avant. Case d'avant qui revient donc demain, oui, je viens de vous le dire. Vous êtes sur Radio Antigone, votre édition spéciale, toujours en direct pour la première journée de déconfinement que vous pouvez venir nous faire partager à l'antenne. Venez au téléphone, s'il vous plaît. Au standard, le numéro, je vous rappelle, il se compose automatiquement quand vous allez sur le site de Radio Antigone, sur votre mobile directement, vous allez dans le menu et vous sélectionnez « Nous appeler ». Le numéro se compose, alors c'est un numéro, il donne pas envie, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est un numéro non surtaxé, c'est un 01. En fait, comme c'est un numéro commun, il faut ensuite mettre un code PIN qui nous renvoie sur notre conversation à nous. Et là, en appuyant sur le lien, il est directement composé, vous n'avez rien à faire. Un petit message en anglais, et après, c'est Matt qui vous accompagne. On vous attend, vous êtes là. On vous attend, venez, venez côté, puisqu'il est tout pile, 19h02. Radio Antigone. Radio Antigone. Voici un point sur l'actualité. Ça arrive, excusez-moi. Je me suis raté, voilà, il est prêt. On se connecte à la rédaction. Bonsoir, quelles sont les dernières actualités du jour? Bonsoir à tous. La hausse de la mortalité constatée depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France est nettement plus marquée dans les territoires denses, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'INSEE. Elle atteint 49% dans les communes les plus denses, contre 26% dans l'ensemble du pays, selon la période du 2 mars au 19 avril. En France, au premier jour du déconfinement, près de 86% des 50 500 écoles de France ont rouvert aux professeurs aujourd'hui pour leur pré-rentrée. Et demain, à plus de 1,5 million d'enfants de maternelle et élémentaire, a assuré le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Dans plusieurs pays européens, élèves et enseignants ont progressivement repris le chemin de l'école aujourd'hui, après plusieurs semaines de confinement dues à la crise sanitaire planétaire, à l'exception notamment des Italiens, dont la rentrée n'intervient pas avant septembre. Si un certain nombre de petits Européens ont déjà repris les classes, comme au Danemark ou en Norvège, les enfants néerlandais, grecs, suisses, croates ou serbes ont fait leur entrée par alternance et tranche d'âge aujourd'hui. Le parquet de Paris annonce avoir ouvert une enquête sur les accusations d'agression sexuelle pesant sur l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. C'est une journaliste allemande qui l'accuse d'agression sexuelle. Cette reporter, pour la télévision publique allemande, affirme que l'ancien président lui a touché les fesses à 3 reprises lors d'une interview réalisée fin 2018. Il n'y a plus que 4 départements en vigilance orange en raison des fortes pluies ou des risques d'inondation. La Haute-Saône, les Landes, le Tarn et les Vosges. Les festivals de mode de Dinan et Guerre, tremplin pour la jeune création, sont repoussés à la fin d'année. Les deux événements qui se tiennent habituellement au mois d'avril auront respectivement lieu en décembre et en octobre. Les sportifs de haut niveau, parmi lesquels figurent les médaillés olympiques, sont autorisés aujourd'hui à reprendre l'entraînement dans des établissements couverts, selon un décret de Matignon qui pose encore des conditions. Merci à la rédaction pour ce point très complet sur l'actualité. Prochain point, c'est dans 25 minutes à 19h30 tout pile. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la case Talk d'Enzo. Et nous sommes déconfinés. Tous ensemble, mais toujours à l'antenne, votre émission spéciale confinement, qui est la case du soir, se poursuit encore un peu. Nous sommes toujours avec Matt et Morgane, nos fidèles compères. Bonsoir à vous deux. Toujours là. Alors Matt, visiblement, nous a quittés. Il a oublié de remettre son micro. C'est toujours Matt qui est au standard. Le standard est ouvert aujourd'hui, pourquoi ? Eh bien tout simplement... puisque vous pouvez venir nous partager votre premier jour de non-confiné, premier jour de déconfinement. Voilà, venez nous partager, vous n'avez pas grand chose à dire, ce n'est rien, appelez quand même, le numéro est gratuit, il n'est pas surtaxé, c'est le prix d'un appel local. Je vous rappelle, sur le site, vous allez dans le menu et vous appuyez sur appeler quand vous êtes sur un téléphone, et le numéro se compose tout seul avec le petit code qui vous branche directement sur le bon canal. On est sur un service gratuit, donc c'est un numéro pour tous les utilisateurs. Donc après, il faut un petit code qu'on rajoute après et qui vous renvoie sur Radio Antigone. Voilà, c'est pour ça que le numéro ne paraît pas très beau, mais c'est un 01, un numéro non surtaxé. Ne vous inquiétez pas. Oui. On a un auditeur qui aimerait participer. Oh, nous avons un auditeur, parfait. Oui. Alors, je vais essayer de le mettre à l'antenne. On a Catherine qui nous appelle de Langeais, près de Tours, et qui dit qu'elle aime particulièrement le radiojournal d'Antoine. On n'en doute pas de ça. Alors attendez, mince, j'ai fermé. Je vais essayer de... Ça va lui faire très plaisir, je pense. Merci beaucoup, madame. Voilà, je vais y arriver, j'essaie. Alors attendez, oulala, quel bazar. Alors, est-ce que... Normalement, elle m'entend, mais on ne doit pas pouvoir l'entendre. Il faut que je... Voilà. Voilà. S, je ne sais plus. Bonsoir, madame. Allô. Madame, vous êtes à l'antenne. Allô, bonsoir. Alors, visiblement... Je dois avoir un problème de son. Ah, c'est tout nouveau, hein. C'est pas très, très, très pratique. Ah, c'était Antoine, c'est ça? Oh. Oh là là. Avec un bel écho. Je m'en excuse d'ailleurs. D'où vient-il? Je ne sais pas. Matt, es-tu là? Oui, je suis là. Et nous avons quelqu'un au téléphone ou pas? Mais nous avons quelqu'un au téléphone qui attend. Alors, je n'arrive pas à l'avoir. Sachant que c'est même pas un numéro de téléphone qui appellerait apparemment. Mais non, je n'entends personne. Pourquoi ça ne fait ça? Je ne sais pas. Alors. Allô. Bonjour, madame. Bon. C'est pas très concluant, ça. Ah, mais non, mais je suis allé sur le mauvais, Enzo, t'es... Je suis pas sur le bon. Oui. Oh là là. En tout cas, ne vous inquiétez pas, madame, on essaye de résoudre les connexions. Je suis pas sûr. Non, mais je ne suis pas allé sur le bon système, voilà. Bonjour, Bonjour, madame. Ah non, toujours pas. Ça arrive, hein. Voilà, là, normalement. Bonsoir, madame. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, bonsoir. vous m'entendez toujours? Alors, oui, oui, je vous entends toujours, bonsoir. Oui. Attendez, je crois qu'on n'entend pas Enzo, du coup. Si, si, on m'entend à l'antenne, normalement. C'est compliqué, la technique, hein. Madame, est-ce que vous entendez Enzo? Bah, je vous entends, vous, déjà, c'est bien. Et moi, est-ce que vous m'entendez? Moi, là, est-ce que vous m'entendez? Ah. Eh ben non, Enzo. Alors, attendez, là, normalement, est-ce que vous m'entendez? Allô, Enzo? Est-ce que vous m'entendez? Enzo, m'entends-tu? Vous avez une voix très ressemblante, qui est très proche de celle d'Antoine. Oui. Est-ce que vous m'entendez, là, maintenant? Bonsoir, mon petit Enzo. Bonsoir, madame, c'est Catherine, c'est ça? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vous appelez Catherine, c'est ça? Oui, Catherine, j'habite à Langeais, à côté du Carrefour Market. D'accord. Et comment s'est passée votre première journée de déconfinement? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ben, je sais pas quel âge vous avez, les jeunes, mais je vais pas vous le dire parce que ça va paraître grotesque. Je me suis acheté un déambulateur. Eh ben, y a pas de problème, c'est bien. Il y a mon ex-mari qui est venu, puis bon, vous le comprenez, le pauvre garçon, après presque 2 mois sans rien faire. Eh ben voilà, hein. Je comprends bien, en même temps, à sa place, hein. D'accord. Non, comment qu'ils vont, les jeunes? Ben, nous, ça va, on est content d'avoir un auditeur à l'antenne. Voilà. Non, je suis une fille, je suis pas un garçon, dis donc. Oh. Oui, une auditrice, pardon, effectivement, j'ai... Eh bien, merci beaucoup d'avoir été... Vous avez l'air perturbé, mais... Vous avez l'air perturbé. Oui, oui, je suis un peu perturbé parce que c'est vrai que votre voix me fait vraiment... Mais j'ai une question pour notre auditrice tout de même. Alors, vous êtes jaloux, il est bien le petit Antoine, pourtant j'aime bien ce qu'il fait, moi. Est-ce que vous avez entendu Morgane ou pas? Non, c'est qui Morgane? Tiens, Morgane, il faudrait que tu nous rejoignes sur le deuxième, en coupant ton micro. Ah, il y a un deuxième canal. Voilà, et tu Hop pourras. Là, et tu coupes ton micro pour pas avoir en double? C'est parti. Voilà. Il tombe bien à l'antenne. Bon, madame Catherine, en tout cas, c'est très gentil de nous appeler. Voilà, Morgane a une question à vous poser. Morgane qui fait partie de l'équipe, vous le savez sûrement. Et effectivement, vous avez raison, le radio-journal est vraiment très bon. D'ailleurs, vous avez pensé quoi de la prestation d'Antoine aujourd'hui? Ah, je l'aime bien, la petite Morgane. Elle est bien aussi. Elle est bien. Et du coup, la prestation d'Antoine aujourd'hui à son radio-journal, dans le tramway, vous en avez pensé quoi? Ah ben, j'ai trouvé ça que c'était brillant. Bon, il avait l'air d'être un peu perdu, le pauvre garçon, mais j'ai trouvé brillant. Comme à son habitude, non, car, comment dire, c'est vrai, effectivement, que je suis particulièrement bon. C'est vrai. Eh bien. Et c'est vrai, surtout, j'ai du mal à tenir la voix de femme. Voilà. Antoine, salut, du coup. Ça a quand même duré 10 minutes, ce bordel. Oh là là. Mais c'est bon, j'ai... C'est... Mais alors, pour le coup, qu'est-ce qu'il y a? Mais du coup, l'enjeu qui existe vraiment. Hein? Mais alors, pour le coup, vous avez prévu de faire quelle promenade avec votre déambulateur pour votre première sortie après. Mamie Antoine. Après le déambulateur, effectivement, ce que j'ai prévu de faire, eh ben, c'est peut-être d'aller me chercher de la cocaïne. Ah bah oui, bien sûr. Parce qu'à mon âge, vous savez, faut profiter des plaisirs tant qu'on peut encore tenir debout. Hein. Madame, faut faire attention parce qu'il y a le directeur de l'antenne qui vous entend et il risque d'avoir des problèmes avec la justice. Hein. Promouvoir les drogues. Je sais que c'est lui le patron. Promouvoir les drogues sur l'antenne. Oh, le petit Antoine, 18. Oui, oh, ça va, Catherine, dites donc, maintenant. Oui, oh, bon, bah, hein. Eh ben, madame Catherine, vous savez qu'il y a Antoine qui vous écoute. Antoine? Oui, allô? Non, t'as pas réagi sur le bon, t'as pas réagi sur le bon téléphone. Ah bah oui, mais forcément, hein. On a des moyens limités, vous savez, hein. On fait ce qu'on peut. Alors, est-ce qu'on peut reprendre nos programmes habituels? N'hésitez pas, hein, si vous voulez nous appeler, si vous vous appelez Catherine, voilà. Ah bah je fais chier surtout, hein, je dirais rien. Alors, j'ai rien compris. Surtout, tu me dis si jamais je vous emmerde, hein, écoutez, moi, il n'y a pas de soucis, mais non, mais non. Mais on est très content d'avoir Catherine, ma belle. Avant de raccrocher les petits jeunes, avant que je raccroche. Oui. J'ai un truc à vous dire. Oui. Vous êtes tous très très bons. Merci. Et les deux meilleurs, clairement. C'est Morgane et c'est Antoine. Et je suis bien d'accord avec vous. Yamat. Merci. Et madame, si vous aimez tant l'émission, contactez donc les personnes qui s'occupent de la radio pour leur dire de laisser la case musicale de 17h30. Et d'appeler aussi pour qu'ils ou elles partagent leur première journée de déconfiné. Je tiens pour ma part à dire que je suis. Ah, mais moi, il n'y a pas de souci. Je veux bien vous partager ma première journée, hein, parce que vous demandez à Catherine, mais à moi au téléphone, vous me demandez pas, là. Bah, si tu veux, vas-y, Antoine, raconte-nous ta première journée de confiné. Je me suis réveillé à 10h, j'étais à la fenêtre chercher un livre. J'ai préparé le journal de ce soir, voilà. Oui. Et puis, je peux même parler par là aussi, si je veux. Là? À deux. Et voilà. Bon, je vous laisse, les copains, il vous reste peu de temps, donc, je vous laisse. Bonne fin d'émission. Merci. Merci. Amusez-vous bien, bisous, et puis, bon courage. Mais je vous écoute, hein. Le chef veille au grain. Merci beaucoup, Antoine. Antoine, le président de la radio. Merci beaucoup, Antoine. Le président est sacré farceur. Oui, un sacré farceur. Ouais. Il est sacrément... On va repasser sur notre système de diffusion normal. Voilà, vous êtes sur Radio Antigone. Merci d'être avec nous. Il est déjà 19h17, une programmation toute perturbée, mais alors, eh ben, on n'en a rien à faire parce qu'on adore, être avec vous à l'antenne. Bon, là, c'était quelqu'un de l'équipe, mais ce n'est rien. On est encore là pendant plus de 10 minutes au téléphone, au standard, vous nous appelez. Je vous rappelle, rendez-vous sur le site tour.radioantigone.com, le site de Radio Antigone. Vous allez dans le menu et vous appuyez sur « Appeler », ça c'est quand vous êtes sur un mobile. Le numéro se compose, voilà. Merci Morgane. Se compose tout seul. Il a l'air bien méchant, il fait peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est un numéro non surtaxé. C'est un 01, donc de la région parisienne, et après il y a un code PIN qui se met et qui est directement saisi. C'est pour ça que le numéro a l'air tout effrayant, qu'il vous effraie. Enzo, restez avec nous, voilà, n'hésitez pas à nous appeler, partagez-nous votre première journée de déconfiné. Matt. Oui, je tenais à dire, il y a une personne qui vient d'appeler et qui a raccroché juste après. Je tenais donc à dire à cette personne, n'hésitez pas, venez à l'antenne, on vous attend avec plaisir. Mais bien sûr, avec grand plaisir, venez à l'antenne. Vous pourrez même participer au quiz si vous voulez. Alors, je zappe les actus du numérique. On aura des grosses actus, j'espère, du numérique demain aux alentours de 19h09. Je vous l'avais promis, une nouvelle rubrique. Vous le savez, sur Radio Antigone, il n'y a aucune publicité, mais j'ai décidé d'en diffuser des vieilles, des anciennes, qui vont peut-être réveiller votre âme d'enfant ou vos souvenirs. Et aujourd'hui, voici une pub de 1981. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Voilà, elle est là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, là, j'ai l'impression d'avoir... c'est bon, normalement. Je devrais pouvoir la lancer. Voici donc une publicité de 1981. Au revoir, monsieur. Ah bah, ça y est, je l'ai, mon carouet. Tu permets ? Ouais. Oui. C'est pas un vrai. Oh. Ah, c'est un vrai. Ça y est, je l'ai vendu. Tu permets ? Oui, bah, c'est pas un vrai. Bon. Méfiez-vous des imitations. Seul Kawai signe ses coups de vent. Kawai. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Notre programme de la soirée est légèrement modifié. En effet, en raison de l'importance de l'actualité, notre troisième édition du journal d'Antenne 2 se poursuivra jusqu'aux environs. Voilà pour la publicité du jour. Publicité de 1981 avec... oui, voilà. Je vais pas chanter. Je vous rappelle que nous sommes toujours en édition spécial déconfinement. Vous pouvez nous appeler en passant via le site sur votre téléphone. Vous allez sur le site de Radio Antigone, tour.radioantigone.com. Vous allez dans le menu, vous faites nous appeler. Le numéro se compose tout seul. C'est un numéro non surtaxé malgré la tête que fait le numéro. C'est un 01, il est à Paris. Faites-vous plaisir, venez nous partager votre première journée de déconfiné. Bon, vous êtes sur Radio Antigone, j'ai failli dire il est sur Radio Antigone. Voilà, c'est bien. Hein. Vous êtes sur Radio Antigone, il est 19h20. Il n'y a plus aucun programme, mais ce n'est rien. Pendant que Morgane va désinfecter son déambulateur, mais non, elle en a pas besoin. Pendant que Catherine, qui nous a appelé, bon, c'était une blague de notre président de la radio, Antoine, qui fait aussi le radiojournal, Catherine va désinfecter son déambulateur, c'est important. Je vous invite à faire de même pour tous vos objets de la maison, voilà, on n'est jamais trop prudent, non, bien sûr. Ne faites pas n'importe quoi, on n'en met surtout pas sur les animaux. Pour l'instant, 19h21, c'est l'heure du quiz. Vous êtes sur Radio Antigone. Moi aussi. Vous êtes toujours sur Radio Antigone. Nous sommes toujours là, pardon, excusez-moi. Petit problème technique, petit blanc, c'est qui veut gagner des Antigones, la nouvelle version de votre quiz. La deuxième semaine de cette nouvelle version, nous l'avons dévoilée lundi dernier. Je rappelle le principe, je pose des questions aux membres de... Ah mais non ! Non, qu'est-ce que je dis ? Normalement, c'était à Morgane, c'est ça, de nous faire le quiz aujourd'hui. Eh oui, je vous propose, si vous le voulez bien, un quiz avec un thème un peu particulier, je pense qu'il n'a pas encore été abordé. Ça pourrait vous intéresser. Donc, je vous propose, si vous le voulez bien, de répondre à quelques questions sur la France d'outre-mer. Eh bien, c'est très intéressant tout ça. Il est 19h23, on va se permettre de dépasser, je pense, parce que c'est un peu juste au niveau du temps. Pardon ? On va se permettre de dépasser un peu 19h30, je pense, parce que là, on est un peu juste au niveau du temps pour terminer le quiz, non ? Allô ? Allô, tu m'entends ? Allô, allô ? Allô, Morgane ? Allô, Antigone ? Allô, Morgane ? Allô, Antigone, ici Cognac. Est-ce que tu m'entends ? D'accord. Alors, après ce magnifique blanc, visiblement, plus personne ne m'entend. Ah, c'est merveilleux. Alors attendez, parce que j'ai pu entendre un clavier, le clavier de Morgane. Alors qu'est-ce oui, qu'elle c'est le mien. Ici ah. Cognac. Ici Cognac, j'ai. Alors, on va sûrement dépasser un peu 19h30, on est d'accord. voilà, Matt, es-tu toujours là? Merci Matt. Eh bien, tu vas pouvoir me poser des questions, on y va? Oui, allez. Allô. Ah, Matt, ah, ça oui, y est. Bon... Matt est de retour. Retour de Matt. Non, c'est mon micro qui est coupé. Et du coup, j'ai dit oui dans le vide. Alors, Matt, est-ce que tu as la possibilité de dépasser un peu 19h30 aujourd'hui? Oui. Parce qu'on est un peu juste au niveau du quiz. Montez... Oh mince. Oh, catastrophe. Oh là là. Bon, alors... je devrais rendre l'antenne normalement. Voilà. Merci Free et sa connexion internet. Je vous explique. Donc mon télé, j'avais transféré la connexion sur mon téléphone qui faisait un partage puisque la connexion internet de Free buguait. Sauf que là mon téléphone vient de s'éteindre par manque de batterie. Donc nous ne sommes actuellement plus à l'antenne. Et personne ne m'entend. Ah c'est merveilleux. Oh quelle belle émission. Oh là là. Bon. Ah, nous sommes de retour. Donc je vous explique. Allô, voilà, on est de retour. Alors, bon, on est totalement en retard. Je vous explique, hein, suite au problème de connexion tout à l'heure et Free avec une connexion qui coupe, j'avais passé sur la connexion, le partage de connexion de mon téléphone qui, malheureusement, vient de s'éteindre. Voilà, donc on repart sur la connexion de Free. Super, j'adore. Le quiz, qui veut gagner des Antigones jusqu'à 19h30 normalement? On dépassera sûrement un peu. On commence donc avec la première question. Matt, est-ce que je réponds ou est-ce que tu réponds à cette première question? Je veux bien répondre tant qu'il n'y a pas d'auditeurs, car les auditeurs peuvent venir intervenir à radioantigone.com. Oui. Très bien. Allez, c'est parti. Bah voici la première question. Maintenant, c'est moi qui ai plus internet, je pense. C'est bon, on t'a retrouvé. On y va. Alors, ma première question, donc, pour... Matt. Pour Matt. Pour Matt. Matt, voici ta première question. Dans ce quiz spécial Outre-mer. Dans l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de Terre-Neuve, se tient chaque année, au mois d'août, une semaine de festivités. Et quel est cet événement? La semaine bretonne? Le festival normand? Ou la fête basque? Je dirais la première option et je vais tout de suite du côté du standard. D'accord. Bien entendu, Enzo répondrait de son côté. D'accord, il a répondu. J'ai oublié de mettre le spoiler, je m'en excuse. Attendez, s'il vous plaît. Oui, on a quelqu'un à l'antenne. Je tiens à répéter à la personne qui m'a de nouveau appelé que, désolé, j'étais en train de répondre au quiz, mais on entendait la radio en fond. Il y a une personne qui nous a appelé et on entendait la radio en fond. Alors, madame ou monsieur, qui que vous soyez, venez à l'antenne. Franchement, ce serait avec plaisir qu'on vous reçoit. Mais oui, on vous reçoit avec plaisir. Venez. Mais oui. Viens-t'en. Allez. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Ah, j'entends quelqu'un. Bonjour monsieur, bonjour madame. Allô? La personne est partie. Oh bah non. Pourquoi? On vous entendait, monsieur, madame. Madame, monsieur. qui se peut être Antoine. Oui, non mais tu vas pas nous le faire le coup trois fois, Antoine. Hein. On veut bien ménager. Antoine, je sais que ton numéro commence par 0659. Bah, bien si t'es un homme. Non, c'est pas lui. Monsieur ou madame, rappelez, hein, on est là, on vous attend vraiment. On est disponible. On vous attend. Alors, on va déjà avoir peut-être la réponse à la question de Morgane. Alors, on peut parler où du coup maintenant? Eh oui, donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, au mois d'août, se tient la fête basque. Mauvaise réponse, Donat. Mauvaise réponse, c'est ça? Oui. C'était la deuxième possibilité, c'est ça? Non, c'était la troisième, la fête basque. Oh, miracle! Donc j'ai un point du coup. Puisque alors, ça fait un point pour Enzo qui avait donc répondu la fête basque à l'écrit en parallèle de Matt. Alors, la fête basque, c'est une manifestation culturelle et sportive qui se tient chaque année au milieu du mois d'août, avec au programme soirées dansantes, gastronomie, tournoi de pelote basque et de jeux de force basque. La 39e édition est prévue du 10 au 16 août 2020. Et d'ailleurs, une partie des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon descendent de colons originaires du Pays basque, ce qui explique peut-être la volonté de rendre honneur aux racines. Parfait, merci Morgane. La première question d'Enzo, maintenant. Je suis alors, question prêt. Géographe. Lequel de ces pays ne possède pas de frontières terrestres? Allô? Ah, on a quelqu'un à l'antenne. On a quelqu'un à l'antenne. Attention, on arrive. Bonsoir, monsieur ou madame. Allô, allô. Allô, Kilux. Allô, Kilux. Allô. Non, oui, vous êtes sur RTL. Quel est le montant de la valise RTL? 500 francs nouveaux. 2500 francs. C'est la bonne réponse. Vous gagnez 2500 francs ainsi que la montre RTL. Merci Philux et merci Maryse. Bon, merci Antoine hein, du coup. Hey, allô. Oui, on t'entend. Je me sens pas bien, j'ai gagné. Merci Guilhuxa! Aidez-moi, je meurs! Ah, encore vous le dire, Danny Boone, ça va pas être facile avec Pierre Bénichou parce qu'il. Bon. Très bien. Il a raccroché. La personne a raccroché. Bon, eh bien, on retourne à la question alors. Attendez, petite jingle. Mais parce que sinon, à ce rythme-là, on n'est pas touché. Oui, on retourne sur quel endroit du coup? Puisqu'on est encore un peu près à l'heure, vous êtes sur Radio Antigone et il est 19h31. Radio Antigone. Radio Antigone. Radio Antigone. Morgane, c'est à toi pour la suite du quiz. Ah oui, bien sûr. Louise, avec la première question pour Enzo cette fois-ci. Je suis là, je suis prêt. Allons-y. Voici ta question et Matt répond bien sûr à l'écrit en parallèle. Lequel de ces pays ne possède pas de frontières terrestres avec un territoire d'outre-mer français? Est-ce que ce sont les États-Unis d'Amérique? Est-ce que ce sont les Pays-Bas? Ou est-ce que c'est le Brésil? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'étais avec le même auditeur. Bien sûr. Lequel de ces pays ne possède pas de frontières terrestres avec un territoire d'outre-mer français? Alors, territoire d'outre-mer français au sens large, hein. Ça peut être département, collectivité. Est-ce que ce sont les États-Unis, les Pays-Bas ou le Brésil qui ne possèdent pas de frontières terrestres avec l'outre-mer français? Je pense que je vais répondre les Pays-Bas, c'est ça, en deuxième? C'est effectivement la deuxième proposition. Bref. Et donc, oui, pardonne-moi, vous qui avez répondu, les Pays-Bas n'ont pas de frontières terrestres avec un territoire d'outre-mer français, c'est bien ça? C'est ce que j'ai répondu, je crois que les États-Unis avec les îles, ça a une frontière commune, et pareil pour le Brésil, je crois, donc c'est la réponse qui me vient à l'esprit. Alors, attendez, je tenais à préciser à nos auditeurs qu'il y a actuellement Antoine qui utilise notre retour antenne pour diffuser un sketch de Chevalier. Un sketch de Jean-Marie Bigard sur la valise RTL, voilà. Donc il y a que moi qui ne l'entend pas, en fait. Je comprends pas, ça passe à l'antenne. Mais oui, et nous, non, ça passe pas à l'antenne, ne vous inquiétez pas. Non, ça passe pas à l'antenne, ça passe que dans nos oreilles. C'est ça qui est vache. Ah bah, ça me perturbe, attends. Bon. Mais d'où ça vient? Attends, qu'est-ce que je dois mettre en muet? Voilà, c'est bon. Je tiens à m'excuser pour ce retard à la compréhension. Donc du coup, est-ce que c'est bon, la bonne c'est bon, réponse? Après ce suspense insoutenable, c'est la mauvaise réponse, hélas. C'est les États-Unis. Oui, les États-Unis ne possèdent aucune frontière terrestre avec un territoire français tout court. Bon. Le Brésil, lui, bon, il est frontalier de la Guyane française sur 730 kilomètres. Mine de rien, c'est la frontière la plus longue entre la France et un autre pays. Et puis alors, la frontière entre la France et les Pays-Bas, elle est où? Eh ben, elle est située sur l'île antillaise de Saint-Martin. Eh oui, une partie de Saint-Martin est sous souveraineté néerlandaise. Ça fait donc un point pour Matt, qui avait répondu les États-Unis d'Amérique. Vous êtes donc à un partout avant vos deuxièmes questions. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est moi vivement nickel. Le retour au lycée, parce que vous avez vu que j'ai un très bon niveau en géographie, bien sûr. La question suivante, c'est pour Matt. Alors, ma connexion avec vous est un peu mauvaise. J'espère que vous m'entendez bien pour la deuxième question de moi. Ah, mince. On t'entend très bien. On t'entend nickel. D'accord, super. Et donc, Matt, c'est bientôt l'heure de passer à table. Peut-être que tu as faim. Ah oui. Eh bien, ça tombe bien, ce soir, je vais vous proposer à tous de déguster un curry de poulet. C'est un plat de résistance typique de la gastronomie d'un territoire d'outre-mer français. Oui, mais duquel? Est-ce que le curry de poulet fait partie de la cuisine de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion ou de la Martinique? Attends, curry de poulet? Alors attends, c'est Martinique, Réunion ou... Nouvelle-Calédonie, Réunion ou Martinique? Pour le curry de poulet. Je sais pas, Réunion. Tu réponds donc la Réunion. Je précise en parallèle que Zo a écrit la même réponse. Ah. Et ça tombe bien, vous êtes tous les deux au bon endroit. Oui. Et oui. Alors, je vais faire un petit peu mon Cyril Lignac. Le curry de poulet est un grand classique de la cuisine réunionnaise, traditionnellement préparé avec un poulet janvier, que l'on fait dorer, puis mijoter dans une marmite, avec de l'ail, des oignons, du thym, du curcuma, du gingembre, du sel et du poivre. Certains y ajoutent aussi quelques tomates. Et puis, rien n'empêche les amateurs de cuisine épicée de rajouter un peu de poulet cabri, un poulet local qui, quand même, qui brûle bien sa langue. Le curry de poulet est servi avec du riz et des légumes secs. Ça fait donc 2 points supplémentaires pour Matt et 1 point supplémentaire pour Enzo. Les scores sont donc de 3 à 2. Enzo, es-tu prêt pour ta deuxième question? Totalement prêt. Je suis navré que ça soit encore de la géographie. Ah bah oui, vas-y. Ah, mince. Mais... C'est mes chances de gagner, là. La petite île française inhabitée de Clipperton. Est-ce qu'elle est au large du Mexique? Est-ce qu'elle est au sud de l'Argentine? Ou à quelques kilomètres de la Nouvelle-Zélande? Mexique, Argentine, le nom, s'il te plaît. Ainsi que les propositions. Le nom de l'île? Oui, parce que je ne l'ai pas entendu. Et du coup, j'ai oublié les propositions. L'île de Clipperton. De quoi? Clipperton. Clipperton? Clipperton. Clip comme un clip vidéo. Mm. Et père comme le père de quelqu'un, je sais pas, comme le grand-père. Et tonne comme ça pèse une tonne. D'accord. Et donc, il y avait quoi comme proposition? Parce que j'ai oublié. Donc l'île de Clipperton, au large du Mexique, de l'Argentine ou de la Nouvelle-Zélande? Je suis désolé, mais bon, c'est vrai que c'est pas du tout mon sujet. La Nouvelle-Zélande? Ok, avouez que c'est une question assez compliquée. Voyons voir ce que Matt a répondu. Sans grande conviction, comme d'habitude. Pardon? Sans grande conviction, comme d'habitude. Mérico, il dit. Mérico. Ah! Mexique. D'accord. Mais Mexique, quoi. Alors, bien, on va dissiper tout de suite ce suspense. Cette île dont on entend assez peu parler, finalement, normal puisqu'il n'y a personne qui habite dessus. Elle est située... Elle n'est pas située au large de la Nouvelle-Zélande. Aïe, aïe. Je suis franchement désolé pour toi, Enzo. Bah, je suis nul, non, mais c'est pas mon sujet de prédilection, tous ces sujets sur l'outre-mer comme ça. Mais oui, pourtant, je les ai organisés au hasard, les questions. Mais oui, non, mais oui. Alors. Et elle est située au large du Mexique. Ah, bon, en plus, c'est la bonne réponse. Eh bah, bravo, Matt. Attends. Je cherche sur Google Maps, genre, c'est un peu genre dans le Pacifique, Dans le Pacifique Nord. Alors, attends. Ah, Pacifique, attends. Ah, alors, je l'ai situé pas du tout là, mais j'ai gagné quand même, donc ça va. Moi, je l'ai situé. Mais Clipperton? Je l'ai situé plus au niveau, comment ça s'appelle? Les îles Kiribati, tout ça. Ah. Alors donc, pour quelques précisions historiques, Clipperton est donc située à 1000 km environ au sud-ouest des côtes mexicaines. Elle a été découverte en 1704, revendiquée par la France au 19e siècle. Elle a été exploitée pour son guano, c'est-à-dire pour ses fientes d'oiseaux, qui sont un excellent fertilisant. Aujourd'hui, elle est à l'abandon et malheureusement jonchée de déchets, malgré sa position stratégique dans l'océan Pacifique et son rôle de halte pour les oiseaux migrateurs. Et donc, les scores en sont à 4 pour Matt et 2 pour Enzo. Ce n'est pas fini, il reste encore 2 questions. Allô, Enzo? Je suis là, et eh bien très bien, Morgane. Eh bien, les 2 dernières questions, c'est tout de suite. Vas-y Morgane, nous sommes là, nous sommes prêts. Avec donc la 3e question de Matt. Une question politique. Oh yes. Ah. Yes. La collectivité de Wallis et Futuna dans l'océan Pacifique possède un système politique particulier. En effet, elle est divisée en 2 principautés. En 3 royaumes ou en 5 baronnies. Tu peux répéter le nom de cet endroit? Wallis et Futuna. Wallis Futuna. Je précise, je connais le truc, j'ai pas cherché sur Google quoi que ce soit. Je réponds, ça a pas l'air hyper facile. Je dirais les baronneries, 5 baronneries. Donc 5 baronnies, c'est ta réponse, Matt. Baronnerie, ouais. C'est également la proposition d'Enzo. Alors, Wallis et Futuna dans l'océan Pacifique, donc un petit groupe d'îles qui forme une collectivité d'outre-mer, elle est divisée. Elle l'était déjà avant l'arrivée des Français, en 3 royaumes. Ah, mince. Aïe. Bon, bah voilà. Malgré l'arrivée de missionnaires catholiques en 1837, malgré le passage sous protectorat français en 1888, même malgré l'installation de militaires américains pendant la Seconde Guerre mondiale, Wallis et Futuna ont conservé leur organisation politique coutumière. Les 3 royaumes se nomment Uvea, Alo et Sigave. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des monarchies héréditaires, mais des monarchies électives. Le souverain est élu par quelques groupes de familles. Eh bien, merci Morgane pour cette belle question. Tu en as une dernière pour moi, c'est ça? C'est exact. Ben c'est parti, c'est parti. Donc la 3e question d'Enzo. Je suis là, je suis prêt. Question monument historique. La plus ancienne mosquée de France encore en activité, elle se situe sur un territoire d'outre-mer. Son existence est attestée depuis le 16e siècle. Mais où est-ce qu'elle se trouve? Oh là là. La plus ancienne mosquée de France, est-ce qu'elle est à Nessadio, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Denis de la Réunion, Tsingu à Tsinguni sur l'île de Mayotte. Non mais là je suis désolé, ça va être le hasard total. À la Réunion hein. Ou à Mayotte. Là je ne peux faire qu'au hasard, je ne connais pas du tout. Allez, la dernière, l'île de Mayotte. D'accord. Je précise que Matt a répondu la Nouvelle-Calédonie. Ah. Et donc, la plus ancienne mosquée de France. Une architecture tout de même originale parce que certains de ses éléments architecturaux sont faits de corail sculpté. Et oui, du corail dans une mosquée. C'est du corail pour faire des murs, ouais. Particulier. Eh bien, c'est à Mayotte, Enzo. Bonne réponse. Ah. Bon, par contre, je pense qu'on est d'accord pour dire que Matt a gagné. Non, puisque vous êtes à 4 points partout, je crois. Quoi? Mais voilà. C'est l'égalité, mais oui. Oh là là. Mais oui. Alors, quelques éléments encyclopédiques, parce que j'aime bien me la raconter. La mosquée de Tsinguni, effectivement, c'est la plus ancienne de France. On connaît pas précisément l'année de sa construction, mais on sait qu'elle existait déjà en 1538. Parce que y a la date de 1538 qui apparaît sur l'un de ces éléments architecturaux. Voilà, certaines parties sont faites en corail sculpté, ça je l'ai déjà dit. Pour être complète, la mosquée de Saint-Denis de la Réunion, elle est plus récente, elle date de 1920. Et celle de Nessadiou en Nouvelle-Calédonie, alors là, elle date de 1998. Oui, c'est beaucoup plus récent. Fin du XXe siècle. Et à titre de comparaison, en France métropolitaine, la mosquée la plus ancienne, c'est la Grande Mosquée de Paris, inaugurée en 1926. Ouais, c'est bien, elle a résisté à la Seconde Guerre mondiale, c'est beau. C'est vrai, c'est vrai. La question ultime. Ce score de 4 partout, ça montre tout de même que vous battez bien. Et donc, c'est une question ultime qui va vous départager. Et ouais, je suis assez heureuse qu'elle serve cette dernière question. Je vais vous demander une réponse chiffrée. Ça va être l'originalité de cette question ultime, ça ne va pas se jouer à la vitesse. La réponse. Faut peut-être attendre que je pose la question. Ah. Donc, ça ne se jouera pas à la vitesse, mais ça se jouera au candidat qui donnera le nombre le plus proche de la réponse. On a le droit de faire plusieurs essais ? Ah non, je vais vous demander de bien réfléchir à votre réponse, vous n'aurez le droit qu'à une tentative. Ok, ok. Je vous laisserai un peu de temps, bon. Vas-y. Vous avez compris le principe ? Totalement, ouais. Vas-y, vas-y. Alors, voici la question. Écoutez-la attentivement. Combien de tonnes représente la production annuelle de bananes de Guadeloupe et de Martinique? Oh putain. C'est quoi cette question? C'est une question ultime. Allez, moi je tente 120 000 tonnes. 120 000 tonnes pour Enzo. Je sens que c'est bien trop, mais voilà. La vache. La production annuelle? Oui, oui, combien de bananes en tonnes, hein, combien de tonnes de bananes sont produites chaque année en Guadeloupe et en Martinique? 50 000 tonnes. Ce sont vos dernières estimations? 50 000 attends. Pour Matt et 120 000 pour Enzo? Pour moi, oui. Attends. 50 000, c'est... Ouais, de toute façon, je sais pas, donc je vais dire 50. Ouais, 50 000. Ok, vos réponses sont enregistrées. Retour après la pub. Oh non, la pub. Allez, hop. Les cotons trounettes. Les cotons doublettes. Moi, j'ai toujours les oreilles propres grâce au coton trounette. Une double efficacité, mais oui. Flic, les cotons trounettes, les cotons double tête. En ce moment, dans vos magasins Leclerc, les rouleaux de papier toilette sont à prix coûtant. Et oui, vous en avez stock pour le prix de 1. Alors rendez-vous vite dans votre magasin Leclerc le plus proche. Voir conditions en magasin et sur e.leclerc. Leclerc. C'est vraiment leur site internet? Oui. Oui, ils ont acheté un nom de domaine en point Leclerc, enfin même pas un nom de domaine. Ils ont un point Leclerc comme un site internet aurait un point fr ou un point net ou un point. Ça renvoie sur e-leclerc.com, c'est de l'arnaque. Oui, mais c'est déjà bien d'avoir l'effort de pouvoir faire ça. Hein. Ouais. C'est une possibilité assez récente. Je crois que la SNCF possède elle aussi un point SNCF. Oui, point SNCF, oui. C'est là qu'il y a l'ancien voyage SNCF, oui. Mm-hmm. Ah, mais oui. Oui, oui. Oui, sur oui.SNCF. Mais Leclerc, ça fait longtemps, hein, parce que ça fait longtemps que j'entends e.leclerc. Voilà, ça fait, c'est pour ça que quand j'écris e.leclerc quelque part, j'utilise le point médian pour éviter que ça fasse un lien. En tout cas, pour la question ultime. Je rappelle donc qu'Enzo estimait la production annuelle de bananes de Guadeloupe et de Martinique à 120 000 tonnes par an, que Matt l'estimait à 50 000 tonnes par an. Le candidat le plus proche de la bonne réponse remporte ce quiz spécial Outre-mer, mais quiz ! La bonne réponse, c'est que la Guadeloupe et la Martinique produisent chaque année environ 270 000 tonnes de bananes par an. Ok, d'accord, j'étais oui très loin. C'est une victoire d'Enzo. Bravo Enzo d'avoir été moins loin de la réponse que moi. La vache, 200 000. 270 000 tonnes. Ah. Et d'ailleurs, wow. Petite précision supplémentaire, chaque semaine... Chaque semaine, 5000 tonnes de bananes martiniquaises et guadeloupéennes partent vers l'Europe par bateau. Et 5000 tonnes, c'est 27 millions de bananes. Donc je vous laisse faire le produit en croix pour savoir combien de millions de bananes sont produites par an en Guadeloupe et en Martinique. Beaucoup. Énormément. Eh bien, merci pour ce quiz très instructif. Voilà, ah, et merci, voilà, je suis bien content. Félicitations. Je gagne quelque chose, un quiz. Voilà. Pour une fois que je ne suis pas animateur du quiz aussi. Merci beaucoup, Morgane. Vous êtes sur Radio Antigone, il est déjà 19h51. Ce qui veut dire que nous avons 21 minutes de retard. Et oui, la case talk, c'est normalement jusqu'à 19h30. Ah, c'est merveilleux aujourd'hui, on n'a jamais fait. Voilà. On va pouvoir se dire au revoir. Merci à toute l'équipe, Matt et Morgane, d'avoir été là. Demain, il faut qu'on annonce. On a quand même une émission spéciale demain. Nous avons eu un invité. Alors, on va se mettre dans le calme. Voilà, pas de générique de fin. Invité. Je crois que nous sommes de retour. Eh oui. Lors d'une case d'avant, nous. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, ça a coupé. Ah mince, ça a coupé. Bon. Hop.